poursuivons donc notre histoire de la science-fiction française. Après les origines jusqu'à la moitié du siècle précédent, nous allons plonger dans le paradoxe de notre SF hexagonale, ce qui est aujourd'hui comme l'âge d'or de la SF française et qui a pourtant tant de mal à arriver 60 ans après jusqu'à nous. Les années 50 et 60 voient fleurir les maisons d'édition spécialisées, ainsi que de nombreux auteurs qui dessinent le contour d'une SF originale qui s'affranchit du modèle anglo-saxon, mais qui va finir par une crise majeure, renvoyant toutes ses plumes dans une sorte d'oubli collectif, de la naissance du fleuve noir jusqu'à la cristallisation apocalyptique des années 70, deuxième épisode de notre série. De la SF française, chapitre 2, il est venu le temps des éditeurs, c'est le programme historique qui est le nôtre pour l'heure qui vient, bienvenue dans la méthode scientifique. Et ne vous plaignez pas, j'aurais pu le chanter. Pour dérouler donc cette vaste période et prendre le relais à ce micro de Guy Coste et Fleur Hopkins, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Curval, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir à ce micro, auteur ô combien prolifique, l'un des pères fondateurs certainement de la science-fiction française. Le ressac de l'espace que vous aviez publié en 62 au Rayon Fantastique ressort la semaine prochaine aux éditions La Volte, qui ont d'ailleurs une grande partie de votre bibliographie présente et passée. J'ai le plaisir également de recevoir Simon Bréant. Bonjour Simon. Bonjour. Maître de conférences en littérature française à Sorbonne Université, auteur de La science-fiction en France, théorie et histoire d'une littérature. C'est aux éditions Presse Sorbonne. Et nous sommes en ligne avec le camarade Jérôme Vincent. Bonjour Jérôme. Bonjour. Directeur des éditions ActuSF. Un mot et une pensée pour Gérard Klein qui devait être des nôtres pour cette émission qui a malheureusement dû renoncer à sa venue et dont on peut citer ici La Mine qui est son ouvrage paru récemment, le livre des préfaces qui compile toutes les préfaces qu'il a écrites pour des romans de science-fiction aux éditions du Livre de Poche et on le salue s'il nous écoute. Mais avant donc de plonger dans cet âge d'or de la SF française, on plonge dans l'actualité scientifique de la semaine avec Natacha Triou et le Journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue dans la revue Nature et la découverte d'un nouveau type de cellules pulmonaires. Oui, on se rend compte, et cette étude le témoigne aussi, qu'on ne connaît pas bien tous les types cellulaires qui sont présents dans les poumons humains. C'est un organe difficile à étudier, et avec une grande diversité des types cellulaires, on en compte une soixantaine. Alors cette équipe américaine s'est intéressée à une partie très profonde du poumon, les bronchioles respiratoires, qui sont juste avant les alvéoles. En analysant des échantillons de tissus pulmonaires, de donneurs en bonne santé, les chercheurs ont découvert ce qu'ils ont baptisé des cellules races, des cellules sécrétoires respiratoires. Selon cette étude, ces cellules races maintiennent et régénèrent la niche alvéolaire. Alors cette découverte pourrait avoir des implications importantes pour tous les MPOC, pour toutes les maladies liées au tabagisme et à l'obstruction des bronchites. Frédéric Beck est professeur de physiologie à l'université de Poitiers et chercheur en physiologie pharmacologie respiratoire. Donc ils ont disséqué tous ces tissus et ils ont fait un mapping des cellules. Ce mapping a été fait en analysant l'expression des gènes. Et pour ça, on utilise une technique qui est le single cell RNA sequencing. Et donc, leur découverte est basée sur l'expression de deux gènes particuliers. Et là, l'observation qu'ils font, grâce à ces approches, c'est d'avoir identifié en fait un petit groupe de cellules qui a une expression différente de ces deux gènes par rapport à ce que l'on connaissait. C'est comme ça qu'ils identifient ce petit groupe de cellules race. Voilà, c'est un petit groupe de cellules, hein, c'est un sous-type de cellules qui est exprimé dans cette région particulière. Et donc, ils montrent que ces cellules, eh bien, elles peuvent se transformer en une cellule alvéolaire. Et là, c'est assez génial parce que ils montrent que ces cellules races, ce sont ce qu'on appelle des progéniteurs, et vont avoir la capacité de se transformer en cellules alvéolaires. Alors, ils le montrent dans du tissu sain, je dirais, hein, à partir de prélèvements humains, mais ils le montrent aussi le dérèglement de cette voie de transformation de cellules races en cellules alvéolaires dans le cadre de BPCO. Mais il montre aussi voilà, que cette voie de transformation de ces cellules races est altérée dans ces pathologies comme la BPCO. C'est une découverte importante parce que ça va permettre de développer des approches thérapeutiques potentielles permettant de refabriquer des cellules alvéolaires, par exemple. Hein, dans la BPCO, hein, c'est une c'est une maladie complexe, mais notamment dans les cas d'emphysème, on a une destruction des espaces aériens et une destruction des alvéoles. Donc il y a un intérêt important là, en physiopathologie, parce que si on trouve un moyen peut-être de stimuler la transformation de ces cellules rasses en une cellule alvéolaire, eh bien peut-être on pourrait être capable de réparer un tissu pulmonaire endommagé. Une sorte de, c'est une petite niche de cellules souches particulières qu'ils ont découvert et qui pourraient donner un type de cellule. C'est pour ça que je pense que c'est un travail aussi qui est important en ce sens. Et également Natacha dans l'actualité scientifique cette semaine et en ultra bref. Cette semaine, pour la première fois, des rats sont nés à partir de sperme créé artificiellement. Une équipe japonaise a cultivé en laboratoire des cellules souches embryonnaires pour produire des cellules germinales, qui créent des spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes, dérivés de cellules souches, ont ensuite fertilisé des ovules. La méthode a donné naissance à une portée de raton, en bonne santé. L'équipe travaille également à la production artificielle d'ovules de rats. Cette semaine, on découvre que les cochons sont mélomanes, enfin plus précisément qu'ils sont sensibles aux mélodies. Lors de cette expérience, un compositeur a créé 16 morceaux, plus ou moins harmonieux, que les chercheurs ont fait écouter à une soixantaine de porcs. L'étude comportementale des animaux a montré qu'ils réagissent aux sons cacophoniques ou harmonieux. Et enfin cette semaine, le nombre d'espèces d'araignées connues dans le monde a atteint les 50 000. La 50 millionième araignée enregistrée, la Gurgurius minunano, une araignée sauteuse d'Amérique du Sud, qui rejoint donc le World Spider Catalogue. Selon les arachnologues, il resterait environ 50 000 autres espèces à découvrir. Les araignées sauteuses sont vos préférées. Je les adore. C'est celles qui se cachent chez vous et qui vous gâtent. Dans quelques minutes, on va donc explorer ce que la science-fiction française a produit de plus intéressant et novateur des années 50 jusqu'à la fin des années 70. Ce sera juste après le journal de l'ASF. Et on commence avec de nombreux pays qui investissent dans une nouvelle technologie, les centrales solaires spatiales. Oui, dernièrement, l'Angleterre a annoncé qu'elle voulait une station solaire d'ici 2050, la Chine pour 2035, et les États-Unis et le Japon ont fait des tests récents. Le principe est simple, au lieu d'avoir des panneaux solaires sur Terre, on les envoie dans l'espace. L'avantage, c'est que l'on reçoit la lumière du soleil tout le temps. Pas d'alternance jour-nuit, pas de nuages, et donc on aurait une récolte d'énergie bien supérieure. En revanche, la difficulté, c'est de transférer cette énergie des panneaux solaires spatiaux jusqu'à la Terre. L'idée la plus prometteuse, c'est d'utiliser des micro-ondes. Alors, grâce aux panneaux solaires, on transformerait l'énergie du soleil en électricité, que l'on convertirait en micro-ondes, comme dans un four, et on dirigerait ce faisceau micro-ondes vers des antennes terrestres, avec enfin une dernière conversion vers une énergie électrique exploitable. Mais avant de devenir l'énergie verte de demain, il reste encore des obstacles. Édouard Kerlik est professeur et directeur de l'UFR de physique à Sorbonne Université et le directeur de la Maison pour la Science Paris Île-de-France. Pour que ces centrales solaires spatiales puissent voir le jour, il y avait quand même beaucoup de conditions techniques à lever. Il y a d'abord une condition de poids, entre guillemets, c'est-à-dire quelle est la masse de matériel nécessaire ramenée à l'énergie produite. Donc aujourd'hui, les perspectives raisonnables, si d'ici 10 ans ou quelque chose comme ça, on arrivera à fournir 1 kW par kilo de matériel en orbite. Ensuite, il y a tous les procédés de conversion, énergie solaire, électricité, électricité, micro-ondes, micro-ondes, de nouveau électricité. On essaie d'améliorer au mieux les rendements des différentes étapes de conversion. Là encore, c'est en bonne voie. C'est notamment extrêmement important en ce qui concerne la conversion de l'énergie solaire en électricité par la centrale solaire, parce que dans l'espace, c'est difficile de refroidir. Donc, toute l'énergie solaire qui n'aura pas été convertie en énergie électrique, elle va se retrouver sous forme de chaleur. Et de la chaleur dans un engin qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'air pour se refroidir, eh bien c'est assez compliqué à dissiper. Après, il y a aussi des difficultés de pointage de faisceaux. Je vous ai parlé de micro-ondes générées dans l'espace, et il faut qu'elles puissent être pointées en un lieu bien précis sur Terre, en gros sur une antenne. Or la distance, c'est 36 000 km. Entre la centrale solaire, qui serait placée dans ce qu'on appelle une orbite géostationnaire, et donc la surface de la Terre. Et donc pour bien pointer le faisceau de micro-ondes, pour que ça arrive vraiment sur l'antenne sur Terre, Là, ça demeure extrêmement compliqué à réaliser aujourd'hui, mais on progresse. On voit qu'il y a quand même un certain nombre de verrous technologiques qui sont levés au fur et à mesure, mais il reste le problème du coût qui est quand même extrêmement important. Même si on est dans la perspective d'avoir une énergie qui serait renouvelable et propre, donc c'est pour ça que je reste, disons, réservé sur la possibilité d'avoir des résultats d'ici 2030-2040. En bref, une étude parue dans Science Robotics décrit la création d'un robot infirmière capable d'habiller des patients. Alors cela a l'air anodin comme ça, mais il est extrêmement difficile pour un robot de manipuler des objets flexibles comme une chemise. Des chercheurs britanniques ont créé des robots à deux bras qu'ils ont testés sur des mannequins. Grâce à une intelligence artificielle, le robot a appris à repérer les points clés du vêtement pour le saisir et le manipuler. En plusieurs étapes, il est parvenu à habiller un mannequin et a réussi à lui enfiler une blouse d'hôpital avec un taux de réussite de plus de 90%. Mais nous sommes encore loin de voir dans les hôpitaux des infirmières robotiques. Côté fiction, un court-métrage de George Romero que l'on pensait perdu vient d'être redécouvert. Le maître de l'horreur et le roi des morts-vivants a réalisé en 1994 Jacaranda Joe, un court-métrage présumé perdu. La bibliothèque de l'université de Pittsburgh vient de mettre la main sur une copie cachée au fond de ses archives. Alors pas de zombies dans Jacaranda Joe, mais c'est l'histoire d'une équipe de tournage de télé-réalité qui rencontre une communauté de Bigfoot. Le réalisateur y expérimente alors ce qu'on appellera plus tard le found footage, le format d'info-documentaire, pour explorer son potentiel horrifique. La bibliothèque universitaire organise une projection virtuelle le mardi 12 avril de 1h à 2h30, heure française. Voilà, et si vous voulez participer à cette projection, on vient de vous mettre le lien pour pouvoir vous inscrire sur notre fil Twitter @laméthodefc. Le Festival des Utopiales s'organise pour sa 22e édition. Le Festival international de science-fiction, les Utopiales 2022, se tiendront à Nantes du 29 octobre au 1er novembre. Et les organisateurs cherchent à compléter leurs équipes. Les candidatures sont donc ouvertes, les postes et offres de stage sont à pourvoir dès le mois d'août sur le site utopial.org. Et pour finir, comme chaque vendredi, notre rubrique de science improbable. Selon une étude parue dans la revue Royal Society Open Science, les singes aussi aiment l'alcool. Au Panama, les primatologues ont observé les habitudes alimentaires des singes araignées aux mains noires. Ces primates sont très friands des fruits de palmier qu'ils consomment bien mûrs. Les chercheurs ont mesuré les concentrations d'éthanol dans ces fruits et il se trouve qu'ils contiennent environ 2% d'éthanol. Et des analyses d'urine ont montré que les singes métabolisent ces sucres fermentés. On ne sait pas si ces primates sont en état d'ébriété, mais selon les auteurs, peut-être qu'il existe un avantage évolutif à consommer des fruits alcoolisés. Et cela pourrait peut-être expliquer pourquoi notre propre espèce a un penchant pour l'alcool. Voilà ce qui rapproche un peu plus l'équipe de la méthode scientifique de couvrir les primates. Merci beaucoup Natacha, à lundi. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous poursuivons donc notre entreprise de recension et d'exploration de la littérature de science-fiction française. Après en avoir parcouru les premiers âges, nous voici arrivés aux années 50 qui vont être un tournant dans l'histoire de la SF avec la création des premières maisons d'édition spécialisées, un premier âge d'or extrêmement fécond, mais avec des auteurs qui, pour la plupart, et paradoxalement, n'ont pas ou peu survécu à l'immense trou d'air que connaîtra le secteur dans les années 60, pour la plupart, parce que nous avons la chance et le privilège d'accueillir l'un des auteurs de cet âge d'or dont l'œuvre a traversé les décennies et qui continue d'être aujourd'hui prolifique, Philippe Curval. Vous acceptez ce statut de l'un des pères fondateurs de la SF française? C'est pas trop lourd à porter? Non, c'est pas trop lourd à porter. Bon, on était plusieurs, j'étais pas tout seul. Ce qui est très important, surtout, c'est le fait qu'on ait fait une exposition, la première exposition dans le monde de science-fiction, à la librairie de la Balance, en 1953, sous le patronage de Boris Vian en particulier, et d'autres personnes qui sont moins connues que lui. Et à partir de ce moment-là, donc cette exposition s'appelait Présence du futur, qui a engendré la collection Présence du futur par la suite, et a eu un énorme retentissement, aussi bien médiatique que sur le plan de l'agent intellectuel français. Ça n'a pas duré, il faut bien dire. Mais enfin, Boris Vian, contrairement à ce qu'on pense, à l'époque, était toujours quelqu'un d'extrêmement talentueux, mais très peu connu. Il vendait très peu de livres, c'était pas quand même quelqu'un de célèbre. Donc, malgré tout, il avait publié un article dans Esprit avec Michel Pilotin sur justement un nouveau genre de littérature, la science-fiction. Mmh. Bon, je voulais ajouter à propos de ça que pour moi, c'est une erreur fondamentale, en ce sens que à 15 ans, j'écrivais des livres qui étaient totalement dans cet esprit-là, comme André Roëlan, comme Michel Jury, et qui sont parus depuis que l'appellation science-fiction est arrivée. Et donc, de toute façon, même si la science-fiction américaine n'avait pas existé, la science-fiction française, sous un autre nom, sans aucun nom, aurait existé comme une école littéraire d'importance. On peut rappeler que Boris Vian est par ailleurs le premier traducteur de Van Vogt en France. La date symbolique, Simon Briand, pour l'introduction de la SF en France, c'est 1950. Alors, il y a évidemment quelques auteurs, on peut évidemment penser à Barjavel qui publie Ravage en 43, Le Voyageur imprudent en 44, mais c'est vraiment 50 que cette littérature s'implante durablement en France et avec des particularités françaises, justement. Disons que en 1950, le mot est vraiment prononcé, et avec le mot, l'idée qu'une chose existe et que cette chose peut concrètement donner lieu à des publications organisées dans des maisons d'édition. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une part en partie de malentendu et en même temps de malentendu créateur là-dedans. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'éditeurs cherchent à renouveler le coup qu'a représenté le roman policier à l'américaine qui marche beaucoup dans l'après-guerre, et qui se disent mais finalement le nouveau roman policier américain, ça va être la science-fiction à l'américaine. Et donc c'est aussi un des créneaux, une des idées, c'est de faire fond là-dessus. Et donc plusieurs éditeurs essayent justement d'investir dans cette perspective-là. Donc Présence du futur, c'est de Noël. Le rayon fantastique, qui est co-organisé par Hachette et Gallimard, avec Michel Pilotin d'ailleurs à la barre notamment, le premier qui sort, mais qui pour le coup est très peu américanisé, qui est vraiment à la française, qui est dès 1951, la collection Anticipation du Fleuve Noir. Collection Anticipation qui a une très grande longévité et qui, avec, disons, de grands écarts de qualité dans les productions, a abrité tout de même, enfin, a donné lieu à un certain nombre de publications intéressantes, des auteurs, à révéler des auteurs. Voilà. Donc, il y a vraiment cette triade de collections qui s'installe assez rapidement. Et, comme l'a dit Philippe Curval, il y a une part de malentendu ici, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt pour la science-fiction dans ses possibilités en général, mais les premiers textes qui sont livrés sont des textes qui ne sont pas forcément, disons, parmi les plus remarquables et les plus imaginatifs. Il y a un peu de tout. Et finalement, ça ne produit pas cette lecture populaire porteuse. Et donc, assez rapidement, dans les années 50, la question qui va se poser, c'est comment favoriser la création d'une science-fiction française. Et de ce point de vue-là, à côté des maisons d'édition, il y a un pôle très important qui est le pôle de la revue Fiction. Bien sûr, voilà. En 53, on va revenir sur Fiction. Jérôme Vincent, effectivement, hein, j'ai appelé ce deuxième chapitre de l'histoire de la SF française, il est venu le temps des éditeurs, parce que c'est effectivement vraiment un paysage d'édition qui va se composer, se décomposer et se recomposer dans cette période. Je vous soumets ce qu'en dit Anita Torres dans la SF française, auteur et amateur d'un genre littéraire. Elle dit, il y a trois collections pour trois stratégies. Celle de l'éditeur non connaisseur qui l'ajoute à ses collections de littérature populaire, et c'est Anticipation du Fleuve Noir. Celle du connaisseur qui cherche à faire des adeptes dans le grand public, c'est Le Rayon Fantastique. Et celle du connaisseur qui voit dans la SF un renouvellement de la littérature et un nouveau mode de discours sur le monde, et c'est Présence du Futur. Qu'est-ce que vous pensez de cette catégorisation ? Je suis absolument d'accord avec ça, oui. Tout à fait, on peut dire que vraiment, Anticipation du Fleuve Noir, c'est la science-fiction pure. C'est-à-dire, c'est quand même avant tout du roman d'aventure. Il n'y a pas une recherche littéraire particulière. Il y a évidemment une recherche d'idées, puisque le fondement même de la science-fiction qui était celle du départ, c'est-à-dire faire des nouvelles très courtes dans lesquelles on cherchait à soulever des idées tout à fait nouvelles par rapport à la technologie. Et là, c'est ça qui était important à l'époque. Mais par ailleurs, on a évidemment voulu, avec quelques amis à l'époque, moi personnellement, je voulais créer une école de littéraire de science-fiction. Bon, personne n'a voulu me suivre. Je trouve ça dommage parce qu'on aurait pu s'évader un peu de ça. Jérôme Vincent, sur cette caractérisation également d'Anita Torres. Oui, c'est assez vrai, avec quand même quelques différences, puisqu'on parle de science-fiction française. Anticipation, très vite, met des auteurs français à l'honneur, ou tout du moins francophones. Hein. On va avoir un premier auteur anglo-saxon qui est Arthur C. Clarke en 1954. Du côté du rayon fantastique, il n'y a quasiment pas de présence d'auteurs français dans tout du moins au départ, hein, assez rapidement, on va avoir un Francis Carsac qui va s'immiscer comme ça. Mais il y a des stratégies qui sont véritablement différentes. Je compléterai aussi avec une imagerie, parce que l'imagerie des couvertures d'anticipation, par exemple, a beaucoup fait. Et elle reste encore aujourd'hui très forte, hein, cette collection fusée d'anticipation. Et les trois collections se démarquent véritablement aussi par leurs couvertures qui sont quand même assez différentes. Très sobres pour Présence du Futur, très imagées pour du côté d'Anticipation, et puis un mix entre les deux pour le rayon fantastique. Mmh. Parmi ces premiers noms, on retrouve aussi le tout jeune Gérard Klein, Simon Briand, qui va là aussi avoir un rôle en tant qu'auteur, puis ensuite en tant, plus tard en tant que directeur de collection. Voilà, pour, au moment où, enfin, pour Gérard Klein qui très jeune, se met en contact avec le fandom, et sur le point de vue-là, Philippe Curval pourra en parler tout à l'heure, mais Gérard Klein est quelqu'un qui, très rapidement, a des ambitions très hautes pour ses différentes publications, et en parallèle, alors il y a une émulation très forte, hein, avec André Ruellan, dont on parlera, et évidemment Philippe Curval, il y a tout ici une amitié littéraire qui se crée, mais Gérard Klein, justement, est quelqu'un qui essaye de publier dans les différentes maisons d'édition. C'est quelqu'un qui arrive à être publié au rayon fantastique avec le Gambit des Étoiles, au Fleuve Noir sous un pseudonyme un peu plus tard, sous le pseudonyme de Gilles Largie, et chez Présence du Futur, où il livre notamment de très nombreux recueils de nouvelles. Enfin, c'est par les nouvelles au départ qu'il se fait connaître. Et donc, il y a de ce point de vue-là une sorte de première figure classique autour de Gérard Klein qui se fait assez rapidement. Là, et il deviendra plus théoricien un peu plus tard. Mais parmi donc ces premiers grands noms, on peut citer Stéphane Vull, hein, qui commence à publier d'ailleurs dès les années 50, même si la plupart de ses grands récits arriveront plus tard dans un deuxième temps dans les années 70, donc André Ruellan qui signe sous le pseudonyme de Kurt Steiner, Daniel Drod aussi. Il y avait Philippe Curval, une communauté qui s'est établie assez vite entre les différents auteurs. Comment ça se passait? Bah, grâce à cette librairie de la Balance, si vous voulez, c'était un lieu absolument magique où tous les jeunes auteurs, les jeunes éditeurs venaient tous les jours autour de verre de Sancerre, ils se réunissaient. Francis Carsac venait de Bordeaux pour venir nous voir. C'était vraiment un lieu. Tous les soirs, jusqu'à 8h du soir, on bavardait, on parlait de l'avenir de la science-fiction, de ce que ça nous apportait par rapport à nos ambitions littéraires. Et ça, c'est quand même vraiment un très très grand moment. Et puis évidemment, on peut aussi voir l'intérêt considérable qu'a été le développement de fiction, qui est pratiquement la seule revue littéraire qui ait vendu 40 000 exemplaires. Fiction, donc, qui est créée en 1953, et un nom important, même si c'est pas lui qui est au tout départ, c'est celui d'Alain de Rémieux. Oui, très important. Voilà. Bon, peut-être un mot sur Alain de Rémieux, qui a aussi été un des animateurs de la communauté de la science-fiction française pendant très longtemps. Jusqu'aux années 70, ouais. Et clairement. C'est quelqu'un qui a été très important, à la fois directeur de la revue au sens général, hein, comme animateur d'une revue, mais aussi et surtout, il y a beaucoup de témoignages dans ce sens, quelqu'un qui a accompagné l'écriture. Hein, c'est-à-dire que c'était un novelliste de très grand talent, et il était assez exigeant aussi par rapport aux nouvelles qui étaient reçues. C'était un interlocuteur très très pertinent de ce point de vue-là, et évidemment un grand connaisseur de la science-fiction, traducteur. Ça fait partie de ces figures. En fait, il y a quelques figures comme Alain de Rémieux et puis ce qu'on a déjà cité, Philippe ici présent bien sûr, qui ont servi en fait de colonne vertébrale assez longtemps. Oui. qui ont été des piliers assez longtemps. En quoi qu'est-ce qu'il a de particulier, ce premier mouvement, cet âge d'or finalement? En quoi il se démarque, Philippe Curval, de ce que vous lisiez de la littérature de science-fiction américaine qui commence aussi à être publiée par ailleurs dans les collections qu'on a citées? C'est-à-dire, de toute façon, ça a été un coup de foudre, parce que quand vous lisez le premier livre de Van Vogt, La faune de l'espace, c'est un véritable choc, parce que, si vous voulez, la science-fiction française, d'une manière générale, depuis Maurice Renard, etc., était quand même plus modérée, plus psychologique, plus littéraire, tandis que là, c'est vraiment la force brutale, avec l'imagination au pouvoir. Disons que les Français n'étaient pas en reste, mais que quand même, ce qui comptait, c'était avant la force de l'histoire, la force que pouvait développer le rapport de la société avec les nouvelles technologies qui apparaissaient. Mmh. Ce que je voulais bien préciser quand même, c'est que à l'époque de, on parlait de Dorémieux et de Gérard Klein, c'est-à-dire que Gérard Klein, lui, il était pour une science-fiction, c'est-à-dire c'était la science plus la fiction. Mmh. Tandis qu'Alain Dorémieux, c'était vraiment quelqu'un d'abord un littéraire, et qui aimait aussi bien, même, on pourrait dire, la fantaisie, hein, et le fantastique. Et donc il mélangeait tous les genres, c'était quelqu'un qui était bien avant sur son temps, sur la vision de la science-fiction, de ce qu'elle pourrait devenir comme une littérature à part entière. Mmh. Jérôme Vincent, comment vous la percevez, vous, aujourd'hui? Comment vous percevez cette singularité de cette science-fiction des années 50, avant donc la crise dont on va parler dans quelques minutes? Comment est-ce qu'elle s'inspire, comme vient de le dire Philippe Curval, aussi un peu d'une certaine science-fiction américaine qui commence à arriver? Est-ce qu'au contraire, elle se démarque? Comment vous la décririez? Ah, c'est une question qui est compliquée, ouais, parce que elle est liée véritablement aux auteurs et aux différents types d'auteurs. Quand je regarde les premiers numéros d'anticipation, hein, on a du Richard Bessières par exemple, ou du Jimmy Guilleux, et je pense que ça a pas vraiment grand chose à voir avec la science-fiction de Philippe Curval ou de Gérard Klein. Donc on est vraiment dans des mouvements qui sont parfois très différents, et j'aurais du mal véritablement à les rassembler autant. Peut-être mettre une étiquette, mais ça a discuté avec Simon Briand sur la science-fiction des années 70, peut-être un petit peu plus politique. Autant je trouve que dans les années 50, elle commence à trouver une voie, mais elle est aussi encore pleine d'aventures, comme on peut en avoir dans l'anticipation. Mmh. Oui, alors je suis parfaitement d'accord avec cette idée, la question de l'aventure spatiale. S'il fallait, parce que l'idée c'est quand même de faire de la science-fiction comme les Américains, mais pas en les copiant, mais de faire quelque chose qui soit digne des Américains. Mais s'il fallait trouver des inflexions, je dirais que dans des œuvres comme celle de Philippe Curval, je prends son Ressac de l'espace notamment, même si c'est un peu plus tard, mais pas tellement, 62. Voilà, pas tellement, voilà. Ou Stéphane Hull, ou enfin voilà, des auteurs, c'est qu'il y a une forme d'inflexion. Alors je dirais non pas une fantaisie au sens où ce serait pas scientifique, mais disons un rapport un peu plus poétique à la science, y compris chez quelqu'un comme Gérard Klein, qui effectivement est quelqu'un de très porté sur la question scientifique, mais qui travaille énormément la langue, qui travaille énormément le style et l'écriture, d'une manière qui fait que, eh bien, il ne s'agit pas simplement de vulgariser la science ou de prophétiser la science, mais véritablement de créer des images nouvelles. Et il y a cette volonté de créer des images frappantes qui est très très, enfin voilà, qui traverse cette science-fiction, cette première science-fiction là. Et c'est notamment, enfin ça fait parmi les souvenirs de lecture, y compris pour les auteurs des années ensuite, des années 70, qui reprennent, qui s'appuient sur ce qu'ils ont lu ensuite, ça fait partie des choses dont ils témoignent. C'est des choses qui les ont frappées, une singularité de l'imagerie française, alors même que les thématiques sont clairement... L'idée, c'est quand même de prolonger une science-fiction qu'on découvre à cette époque-là. Mmh. Et du côté du lectorat, Philippe Curval, vous disiez ceci que je trouve assez intéressant. Vous dites, dans les années 50-60, la SF était lue par des gens de gauche qui aimaient la science. Oui, absolument. Il y avait un grand mouvement vers le socialisme. Donc, parmi les socialistes, ça s'intéressait forcément à l'avenir, à la construction de l'avenir, et voir les transformations de la société qui étaient induites par les avancées de la technologie. Donc, pour eux, c'était vraiment très important de voir et de prévoir quelles seraient les sociétés de demain, même s'ils n'étaient pas anticipateurs. Et c'est pour ça que, il y avait quand même, c'était quand même surtout des gens de gauche, faut bien dire. Si on peut parler de gauche ou de droite, je ne sais pas. Vous diriez que c'était une science-fiction encore très optimiste, très positiviste, dans un sens où le futur était désirable, où on pouvait se projeter, où c'était un futur un peu merveilleux, et une science-fiction moins noire que celle qu'on verra, ou peut-être moins politique dans ce sens-là, que celle qu'on aura dans les années 70. C'est plutôt une science-fiction hors champ, où l'imagination était au pouvoir. Oui, oui. Jérôme Vincent, peut-être un mot là-dessus, parce que ce qu'on appelle le fandom, c'est-à-dire la base des fans de science-fiction, va se structurer un peu plus tard, mais on a là en tout cas une littérature assez prolifique, avec beaucoup d'auteurs, avec beaucoup de jeunes auteurs, parfois des auteurs d'un roman unique comme Daniel Drode, Surface de la planète en 59, qui obtient le prix Jules Verne, et c'est le seul roman qui signera. Comment c'est reçu du côté des lecteurs? Quelles sont les ventes, par exemple, par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui? Alors, bon, les ventes sont sans commune mesure. Hein. Philippe en parlait, Fiction, la revue, qui est un peu la revue de référence, ouais. 40 000 exemplaires vendus tous les mois, donc c'est quand même assez important. Je parle sous son contrôle, mais évidemment, je trouve que Fiction a joué un rôle très important, avec notamment un numéro spécial sur les auteurs français, oui, dès mai 1959. Ça veut dire un milieu qui prend conscience un petit peu de lui-même. C'est-à-dire que à un moment, on est assez nombreux pour commencer à se dire qu'on a une identité et qu'on va faire un numéro spécial auteur français. Donc, c'est quand même très important à ce moment-là. Et Fiction, c'est véritablement l'incubateur. Gérard Klein, Philippe Curval, Dorémieux vont commencer dans fiction, comme Gilles Thomas, par exemple, hein, Julia Verlanger, qui va publier des nouvelles dès 1956, avec en plus un carnet critique. Donc, si vous lisez un petit peu les fictions, il y a un courrier des lecteurs, ça s'engueule aussi un petit peu pas mal. Donc, il y a des gens qui discutent à travers cette revue-là. Oui, dans ce premier numéro spécial entièrement consacré aux écrivains français de fiction, donc publié en 59, comme le rappelait Jérôme, vous signez un texte, Philippe Curval, qui s'appelle « C'est du billard ». Ça s'appelle ? C'est du billard. Oui, c'est du billard. Nouvelle, vous vous souvenez ? Oui, qui a été réédité, je ne sais pas combien de fois. ça parlait de quoi, c'est du billard ? Ça parlait justement de ce qu'on appelle les tilts. À l'époque, si vous voulez, tout le monde jouait à cet appareil-là. Il suffisait de faire bouger des boules pour arriver à avoir des points. Et j'avais inventé un système qui permettait que le monde entier, l'énergie était produite par les mouvements que les gens faisaient en jouant sur les appareils. Ça, c'est les années donc 50, ce qu'on appelle donc aujourd'hui avec du recul l'âge d'or. Et paradoxalement, malgré cette grande production de textes et d'auteurs, eh bien ces années 50 vont se conclure, ou en tout cas s'ouvrir sur des années 60, qui marquent la première grande crise de la littérature française de science-fiction. Qu'est-ce qui s'est passé, Simon Bréant ? Alors, en fait, pour être plus précis, la crise vraiment, si on peut en parler d'une crise, c'est plutôt une sorte de passage à vide très très frappant. C'est plutôt le milieu des années 60. C'est-à-dire qu'en fait, pour le début des années 60, c'est un moment de grande production pour les auteurs français. Le rayon fantastique accueille des textes tout à fait remarquables. Parmi les auteurs qu'on n'a pas encore cités, il y a Nathalie Enberg, par exemple, qui est au départ la veuve de Charles Enberg, mais qui est une autrice à part entière, et qui, avec La Plaie, notamment, en 64, signe vraiment un roman remarquable, pour le coup, plein d'imagination, mais qui est un des derniers, voire le dernier, je ne sais plus exactement, mais de cette collection, qui s'arrête de façon abrupte, pour des raisons un peu obscures, mais qui tiennent au fait que Gallimard et Hachette ne s'entendent plus très bien, en gros. C'était un attelage qui ne tenait plus. Et en l'absence du rayon fantastique, dans une situation où Présence du futur, à ce moment-là, n'accueille plus de textes français, à l'exception ponctuellement, par exemple, d'un Gérard Klein, mais en tout cas pas de nouveaux auteurs pendant quelques années, et un fleuve noir anticipation qui reste cantonné dans sa logique, c'est-à-dire que c'est un incubateur de talents potentiellement, mais c'est aussi, et surtout il faut le dire, fleuve noir anticipation, c'est une publication de gare qui n'a pas de stock, c'est-à-dire qu'il publie, et puis deux mois plus tard, on ne trouve plus le livre, sauf chez les bouquinistes. Donc ça n'est pas du tout un endroit où faire carrière. Et donc quand on arrive au milieu des années 60, finalement, il y a quasiment plus d'endroits où faire carrière, et un certain nombre d'auteurs, finalement, laissent un peu tomber, passent à autre chose. C'est un passage à vide pour un certain nombre d'auteurs, et finalement, on en retrouvera relativement peu, 5 ans plus tard, quand les choses redémarrent, à la fin des années 60, quand on engage vraiment les choses. Alors effectivement, il y a plusieurs choses qui se passent. C'est vrai que les années 60 débutent bien, puisque début 60, c'est l'apparition des Armes d'Orthog de Steiner, ouais, Philippe Curval, dont on pense que c'est vraiment le chef-d'œuvre de Steiner, et puis le début d'une trilogie qui doit faire date dans l'histoire de l'SF française. Oui, absolument. Ouais. Oui. Ce qui est important, parce qu'il y a des tas d'auteurs à l'époque, il y a Christian Léhourier, il y a Michel Demuth, il ne faut pas oublier, qui a écrit Les Galaxiales, qui est un des best-sellers de la science-fiction française. Il y a Christian Léhourier, dont j'en ai déjà parlé. Mais ce qui est très important, finalement, dans les années 60, au moment où tout semble s'écrouler, qu'est-ce qui apparaît ? C'est Jean-Pierre Andrevon. Jean-Pierre Andrevon, qui n'avait jamais publié jusqu'à présent. Alors, dites-nous un peu qui est Jean-Pierre Andrevon. Alors, Jean-Pierre Andrevon, c'est un écrivain de science-fiction, mais qui est totalement précurseur en la matière de la climatologie et de l'écologie. C'est vraiment le premier auteur de science-fiction, même peut-être un peu dans le monde, qui a véritablement axé toute son œuvre autour de l'évolution de l'humanité par rapport aux maux qui se préparent. Et par ailleurs, son idéal pour lui, c'était que l'être humain n'existe pas. Pourquoi pas ? Il y a effectivement, comme l'a très bien décrit Simon Bréant, Jérôme Vincent, l'édition de SF française se polarise entre deux grandes tendances ou deux grands mouvements. D'une part, la SF entre guillemets, alors je mets tous les guillemets possibles, populaire, et la SF de gare du Fleuve Noir qui publie un peu tout et n'importe quoi de manière assez abondante, et de l'autre côté un courant qui se réclamerait d'une SF littéraire, là aussi je mets beaucoup de guillemets, de présence du futur, qui d'ailleurs pendant plusieurs années, comme l'a dit Simon, va ne publier quasiment plus aucun nouvel auteur français. Ouais, c'est exactement ça, hein, avec là aussi toujours sur les couvertures vraiment des choses très différentes et des publics très différents qui vont se séparer. Ce qui est intéressant dans les années 60, c'est qu'on note un creux sur la première partie, mais que ensuite on a l'apparition notamment du Club Livre Anticipation, qui va avoir une importance énorme en termes d'édition. Là, on était sur des collections de poche, on va avoir des collections de grand format par Opta, avec des choses assez particulières pour l'époque, c'est-à-dire du cartonné, hein, véritable. Des omnibus, donc plutôt gros. Faut imaginer que les livres d'anticipation sont des livres qui font 200 pages, qui sont très formatés, comme le dit Simon, de toute façon il n'y a pas de stock, donc on saute de l'un à l'autre. Et donc dans ce creux, en fait, on a déjà le creuset de ce qui va arriver derrière avec le Club Livre Anticipation et puis J'ai lu. Alors ça, ce sera effectivement un peu plus tard. Gérard Klein écrit cet article dans Fiction en 1967. Je vais vous en lire un extrait. Article qui s'intitule « Pourquoi y a-t-il une crise de la SF française ?» Dans l'état actuel des choses, les débutants n'ont pratiquement aucun moyen de s'exprimer, de publier, de progresser. Dès avant la guerre et plus encore vers les années 50, les auteurs américains disposaient de toute une gamme de revues commerciales allant de la médiocrité la plus inimaginable jusqu'à la qualité la plus sophistiquée pour faire leurs premières armes et leur apprentissage. Une partie du public et avant lui des critiques déplore l'insuffisante qualité de la production autochtone. De ce fait, elle s'en détourne autant par là même aux auteurs le moyen de faire leurs preuves, de devenir pour les meilleurs d'entre eux ce qu'on peut attendre d'eux. Le seul moyen d'avoir de bons auteurs, c'est d'abord d'en avoir un nombre suffisant et ensuite de donner leur chance aux plus doués. Un bilan de Klein qui a détonné un peu d'ailleurs à l'époque, Simon Bréant. Oui, ça a été relativement mal reçu parce que finalement ça revenait à poser l'idée qu'il n'y avait pas de professionnalisation dans le cadre actuel. Mais son diagnostic était assez juste. Finalement, il se vérifie assez rapidement lorsque justement le cercle vicieux dont il parle là, qui est un pas d'espace pour l'expression et pour faire ses premières armes et donc pas de possibilité d'améliorer, bon, est devenu un cercle vertueux dans les années 70. Donc en miroir, on a ça. Et il en a été l'un des artisans, et Philippe Curval aussi, qui a donné sa chance à beaucoup d'auteurs dans les années 70. Mais vraiment, il y a cette difficulté-là qui est que en fait, pour faire écho à ce que disait Jérôme Vincent, avec le club du livre d'anticipation, c'est que la science-fiction elle-même n'est pas en recul. C'est la science-fiction française qui trouve mal à s'exprimer. Mais clairement, à travers Fiction, à travers un ensemble de collections, des auteurs américains ou étrangers, en tout cas, se font connaître. La connaissance de la science-fiction ne cesse d'augmenter. Et d'une certaine façon, ce creux-là, dont on aurait pu craindre à l'époque, si on se place dans l'époque, qu'il soit un peu la fin d'une école française de science-fiction, bah c'est plus une pause qui permet aussi qu'éclosent des choses nouvelles. Comment vous avez vécu, vous, cette période? Quels étaient vos rapports, par exemple, avec Gérard Klein? Vous partagiez son analyse? Maintenant, on était complètement l'un contre l'autre depuis toujours. C'est pas bien grave. Et parce que finalement... si vous voulez, bon, c'est pas la peine de parler du rapport avec Gérard Klein, c'est trop compliqué. Donc, ce qui se passe surtout, c'est que il y a eu quand même beaucoup d'auteurs qui, dans l'ombre, commençaient à se préparer à écrire les romans qui allaient paraître au début des années 70. Moi, personnellement, d'une part, parce que j'ai eu quand même un gros héritage surréaliste, et par ailleurs, j'ai voulu écrire des... De toute façon, si vous voulez, de la littérature spéculative. Par exemple, quand j'écris la forteresse de coton, on peut pas dire que ce soit de la science-fiction, on peut pas dire que ce soit de la fantaisie, on peut pas dire que ce soit du fantastique, c'est autre chose. Puisque ça part, un peu comme dans tout roman de science-fiction, d'une idée qui n'existe pas et qu'on développe. Hein, ça, c'est très important. Je voulais faire une petite parenthèse, si peut abuser les gens. C'est par exemple, qui peut savoir ce que représente la couverture de Présence du futur? Eh bien, c'est l'ombre d'une planète sur une toile de sur une toile. D'accord. On va retrouver. On va vous poster quelques images sur notre fil Twitter. Il y a effectivement ce passage à vide avec encore une fois un certain nombre de paradoxes puisque en 63, donc on est encore au début des années 60, un an avant la disparition du rayon fantastique, la sortie d'un roman qui va marquer l'histoire de la science-fiction, d'ailleurs plus par son adaptation cinématographique que pour le texte lui-même, et qui va déchirer un tout petit peu plus la communauté de science-fiction française. Messieurs les juges, mes arguments sont simples. Ils ont pour base le premier article de notre foi, où il est dit que le Tout-Puissant a créé le singe à son image, qui lui a donné une âme et un esprit, et dans sa grande bonté l'a séparé des bêtes de la jungle pour en faire le seigneur de cette planète. Ces vérités sacrées trouvent en elles-mêmes leur propre justification. Notre science doit étudier les singes, messieurs, seulement les singes. Mais certains jeunes savants audacieux n'ont pas hésité à étudier l'homme. Ouais, ils ont oublié les lois du Tout-Puissant au nom d'une théorie insidieuse qu'ils osent appeler l'évolutionnisme. Je vous en prie, au fait, docteur Anarius. L'État accuse le docteur Zira ici présent et un chirurgien dépravé nommé Galen d'avoir fait des expériences sur cet animal, d'avoir trafiqué son cerveau et les tissus de sa gorge pour en faire un monstre capable de parler. Ce n'est pas vrai. Docteur, attention à ce que vous allez dire. Et son intelligence, aurions-nous pu la créer aussi? Non seulement cet homme sait parler, mais il sait penser et il sait raisonner. Cette chose sait raisonner. Si le tribunal le permet, je me propose de démasquer cette mystification par un interrogatoire. Faites, docteur, et n'oubliez pas de garder à cette séance toute sa dignité. Dites à la cour, Brousieux, quel est le second article de la foi? Je ne connais rien à votre culture, je le reconnais volontiers. Mais... c'est évident, il ne connaît rien à notre culture puisqu'il ne peut pas penser. Dites-nous, pourquoi tous les singes naissent et demeurent libres et égaux en droit? Il ne m'a pas paru évident que tous les singes étaient égaux. Oh, ridicule. Autre chose, Brousieux, pourquoi les hommes n'ont-ils pas d'âme? Qu'est-ce qui prouve qu'une étincelle divine existe dans le cerveau des singes? Voilà, extrait de l'adaptation du roman de Pierre Boulle, La planète des singes, par Franklin Schaffner, en 1968, soit 5 ans après la sortie de ce roman qui, on peut le dire sans euphémisme, Pierre Boulle n'a pas été très très très bien accueilli par la communauté de science-fiction, La planète des singes. Pas tellement, parce que finalement, après, j'ai très bien connu Pierre Boulle. Bon, il est arrivé un peu comme ça, comme sortant. Le problème, c'est que on parlait des fans. Moi, personnellement, j'ai toujours été contre les fans. C'est un autre problème. Je pense qu'ils ont pollué la science-fiction. Mais ça, c'est mon idée personnelle. Vous allez vous faire des amis. Et donc, Pierre Boulle, à l'époque, tous les gens... si vous pouvez lire les numéros de fiction. Tous les gens qui écrivaient de la science-fiction... sans le nommer, était flingué, hein, automatiquement. Oui, je voulais revenir comme sur un auteur qui est très important, c'est Philippe Goy. Parce que Philippe Goy, qui est paru dans les années 60, a écrit le livre Machine. Et c'est un auteur qui, pour la première fois, il avait créé lui-même, c'était un ingénieur, un traitement de texte. C'est le premier livre traitement de texte qui ait jamais été fait. En plus, c'était un excellent livre. Il en a écrit 2 ou 3, il n'a pas eu de succès parce que justement, il était très en avance sur le plan technologique. Mmh. Mais ça mériterait d'être lu, le livre de Machine, c'est quand même un monument de la science-fiction française complètement oublié. Et qui, je ne sais pas si il faut regarder, mais ces livres-là sont quasiment plus publiés aujourd'hui, Simon Véran. C'est-à-dire de tous les auteurs dont on a parlé aujourd'hui, à part Philippe évidemment, qui est dans le catalogue, les œuvres ont été reprises par la Volte, mais enfin je veux dire de ce premier âge d'or, de cette première époque, il reste plus grand chose qui est arrivé jusqu'à nous quand même. En fait, il y a des effets de cycle, c'est-à-dire qu'en fait, dans un certain nombre d'auteurs, quelqu'un comme Stéphane Hull est souvent réédité. Certains textes beaucoup plus que d'autres. Stéphane Hull, il est réédité. Je peux vous le dire parce que je l'ai cherché en librairie il y a pas longtemps. Il est plus réédité qu'en intégrale chez Bragelonne. Voilà, c'est mais, ça. Mais à part ça, on ne trouve pas les romans. C'est ça. Mais c'est des effets de cycle parce qu'en fait, il y a encore 10 ans, on pouvait les trouver. Il y a des effets maintenant. Les intégrales, effectivement, Bragelonne a effectivement, par exemple, très bien dans les trésors de la SF posé un certain nombre d'anthologies qui ont permis de préserver le souvenir d'un certain nombre d'auteurs, enfin, et l'écriture d'un certain nombre d'auteurs, mais c'est et, et du coup, c'est vrai que ce ne sont pas forcément des auteurs, ces premiers auteurs-là, qu'on va pousser les plus en avant. C'est pas forcément ceux qui vont actuellement être les plus en tête de gondole, mais ils sont encore, il y a encore une présence. Mais c'est vrai que c'est plus une mémoire, une volonté à somme d'éditeurs de les maintenir à flot. Je voulais réagir sur Boulle. Ouais. Effectivement, Boulle, il y a une difficulté qui est caractéristique pour Boulle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un écrivain qui propose quelque chose qui ne s'inscrit pas dans la science-fiction officiellement et qui, du coup, ne cherche pas à s'inscrire dans la lignée de la science-fiction. Et la réception de l'époque, effectivement, pas forcément très positive du côté des amateurs de science-fiction, au sens où on a l'impression qu'il redécouvre en quelque sorte le fil à couper le beurre. Mmh. Ça n'empêche pas justement son texte d'être lu et de se répandre de façon beaucoup plus importante, de ce fait même. Mmh. Et ça, il y a beaucoup d'auteurs qui sont dans cette catégorie-là. Et inversement, Philippe Curval le mentionnait, je crois, tout à l'heure, quelqu'un comme Jean Hougron, avec le Nagen, propose un texte qui est Jean Hougron, qui est un auteur de littérature générale, propose un texte qui, lui, est beaucoup plus... qui est clairement joue avec les codes de la science-fiction, qui est beaucoup plus reçu. C'est comme un écrivain qui, à l'époque, a fait une tétralogie sur l'Indochine, où il a vendu 5 millions d'exemplaires. Donc, c'était quelqu'un d'extrêmement connu. Mmh. Donc, on arrive à la fin donc des années 60. Après ce texte de 67, Gérard Klein, encore lui, va prendre le problème à bras-le-corps, puisqu'il parvient à lancer sa collection Ailleurs et Demain chez Robert Laffont, collection qui existe toujours, qui, avec quelques belles prises de guerre, on peut dire, Franck Herbert, qui n'est pas des moindres. Jérôme Vincent, c'est vraiment le signe du redémarrage, et on va retourner, effectivement, comme le disait Simon Briand, dans un cycle vertueux avec à nouveau une multiplication des collections et des éditions. L'apparition, vous le mentionnez tout à l'heure, des collections de poches de J'ai lu et de Pocket, qui sont un peu les deux rivales, mais qui vont publier là aussi énormément d'auteurs, et notamment d'auteurs américains. Et on arrive à nouveau dans un vivier et dans un nouvel âge d'or, ou un âge d'argent peut-être, de la littérature de science-fiction française. Oui, c'est-à-dire que d'un seul coup, fin des années 60, début des années 70, hein, en une poignée d'années finalement, il y a le Club Livre Anticipation, donc je l'ai dit, 65, 70 la collection chez J'ai lu. Quelques temps plus tard, on a le Masque SF en 74, la TSSF en 1979, et puis Ailleurs et Demain en 1969. Et puis on a l'arrivée, notamment via Ailleurs et Demain, d'un certain nombre d'auteurs. On l'a dit, Franck Herbert, l'explosion peut-être aussi d'une Ursula Le Guin ou de Samuel Delany. C'est-à-dire qu'on a aussi, et puis l'explosion d'un Philippe K. Dick, hein, dans les années 60 véritablement. On a aussi l'arrivée d'une nouvelle génération d'auteurs, d'une nouvelle génération de collections de science-fiction et aussi une nouvelle génération d'auteurs, parce que Michel Jory, qui fait ses débuts en 1958, il va véritablement prendre son envol dans les années 60-70, et on a parlé de Jean-Pierre Andrevon aussi, premier texte en 68, et puis après c'est le départ véritablement d'autres choses. Donc on a un creuset là, c'est marrant parce que on disait tout à l'heure, dans les années 60, Gérard Klein dit il y a plus de support pour publier pour les auteurs français, et puis en 74, Alain Doré-Mieux dit arrêtez les jeunes auteurs français d'envoyer des nouvelles à la fiction parce que je suis submergé, j'en peux plus. Il va se faire virer après ça, mais comme quoi c'est toujours le côté de l'histoire, hein, c'est quand on regarde la focale en fait en 65, en début 60, on a l'impression que c'est la crise, et puis une poignée d'années plus tard, ça y est, tout est reparti, quoi. Doré-Mieux qui dira aussi à la disette, succède l'abondance et au manque la saturation. Puis les années 70, c'est le retour de Curval et de ce que j'appelle le triumvirat, ou en tout cas les trois grands auteurs français qui marquent la décennie 70. Donc vous, Philippe Curval, Jeury et Ruellan, où vraiment votre œuvre prend une autre dimension, et vous êtes un peu les trois auteurs en vue. Voilà, ce que je peux dire quand même, c'est que de toute façon, que ça soit Gérard Klein ou André Ruellan ou quelques-uns, l'avantage considérable de la science-fiction à l'époque, c'est que les livres étaient toujours réédités. Mmh. Jamais aucun de mes premiers livres était épuisé. On les trouvait toujours. Parce que quand Jacques Sadoul a pris la collection de J'ai lu, et il a commencé à rééditer des Français en particulier, et donc il a publié trois éditions du ressac de l'espace. Et de toute façon, c'était une continuité permanente, donc il n'y avait pas tellement de problèmes. Jacques Saloul qui créa le prix Apollo aussi en 71. Et effectivement, il y a une nouvelle envolée, en tout cas, et de la science-fiction française, avec là aussi beaucoup de lecteurs. Mais une science-fiction qui a un peu évolué depuis l'âge d'or des années 50-60, une science-fiction peut-être plus politique. Ce sont des auteurs qui ont fait mai 68, et c'est une science-fiction aussi peut-être un peu plus sombre que ce que n'était celle de l'âge d'or. Alors, ils n'ont pas nécessairement fait mai 68. Enfin, ils ont vécu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une convergence très forte entre l'esprit du temps, qui est c'est une époque effectivement post 68 qui cherche des nouvelles formes politiques, des nouvelles formes sociales. Et il y a dans la science-fiction et notamment la science-fiction française un souhait de répondre à ces choses-là et de proposer des visions. Alors, des visions qui peuvent être négatives. Hein, on pense à Tunnel d'André Ruellan, ou un certain nombre de dystopies de quelqu'un d'important aussi dans la deuxième moitié des années 70, qui est Pierre Pelot, oui, qui est un auteur extrêmement important, qui a livré de très nombreuses dystopies de très belles factures, je pense à Parabellum Tango par exemple. Il y a une aspiration à l'utopie qui est assez forte. Donc il y a ce questionnement social qui intervient et qui, alors il faut le dire, donne lieu aussi dans la deuxième moitié des années 70 à toutes sortes d'échauffements d'esprit et de toutes sortes de débat, parce que en fait c'est aussi le moment, et c'est Jérôme Versant en parlera sans doute mieux que moi, c'est aussi le moment où se forme vraiment une communauté de fans autour, oui, de festivals, oui, autour d'une connaissance générale de la science-fiction. Oui. C'est ça, les années 70, Jérôme, c'est vraiment l'apparition donc de ce fandom, des amis de Philippe Curval, avec la première convention de SF française à Clermont-Ferrand en 74. Voilà, elle est organisée par Jean-Pierre Fontana, exactement, et en fait il faut imaginer 300-400 personnes, tous auteurs ou autrices de science-fiction, ou éditeurs ou traducteurs, et d'après ce que disent, hein, puisque on a organisé la Convention nationale de science-fiction cette année, avec Hugo Balagamba notamment, à Nice, et on a fait des souvenirs, et dans les souvenirs on se rend compte que les gens se rencontraient un peu pour la première fois, et donc il y avait pareil, toujours l'existence et la connaissance de soi-même, donc l'apparition de ces conventions nationales de science-fiction, l'apparition d'anthologies aussi, oui, hein, Jean-Pierre Andrevon, il fait une anthologie qui s'appelle Retour à la Terre, c'est en 1977, c'est une des premières fois, si ce n'est la première fois, qu'il y a des auteurs qui vont travailler, alors essentiellement sur les thématiques écologistes, avec au sommaire Daniel Walter, Francis Carsac, Philippe Curval, ouais, qui est là. Et c'est assez rigolo parce que effectivement là, dans la première critique, hein, il y a véritablement ce côté, à la fois on a une anthologie orientée, une anthologie avec des auteurs français, mais aussi une orientation politique pour une partie au moins des textes. Mmh. Oui, vous-même, vous, 78, vous publiez votre anthologie Futur au présent, voilà, chez De Noël, Philippe Curval. C'est justement, ce qui était très important, faut bien le nommer, c'est Elisabeth Gilles. Oui. Isabelle Gilles, quand elle a repris la collection Future, Présent du Noël, futur, oui, a fait un travail absolument extraordinaire de découverte d'auteurs. Parce qu'il y a un gros avantage, c'est que ça soit Asimov, Bradbury et quelques autres, vendaient chaque année 80 000, 100 000 exemplaires dans les écoles, et donc ça assurait la rentabilité générale de la collection. Et donc, ça a permis de proposer à tous les jeunes auteurs qui lui offraient des livres de les publier. Alors, malgré tout, donc, il y a eu quand même sur le plan, il n'y avait plus de revues, Et fiction peut apparaître encore. Hein. Fiction, c'est dans les 90. Oui, mais enfin, c'était quand même plus grand chose. Et donc, Elisabeth Gilles m'a demandé de faire un recueil. Alors, donc, j'ai reçu 500 nouvelles que j'ai épluchées une par une, et j'en ai sorti. Je sais plus, 10 à 15 auteurs, dont deux qui sont devenus par la suite très importants, Serge Brussolo, oui, et Jean-Marc Ligny. Voilà. Bon, Brussolo, avec qui vous n'êtes pas très tendre non plus par ailleurs. Non, c'est effectivement important, Montbrillant, parce que le milieu donc se structure, les maisons d'édition, même si le paysage va encore un peu bouger, commencent à se figer, c'est-à-dire à avoir une forme qui va ressembler. Alors après, ensuite, il y aura l'émergence des années 90, ce sera dans notre troisième épisode, pour le moment des années 90-2000, mais néanmoins, ça commence à se structurer vraiment. Et puis, on a aussi les premières encyclopédies, enfin voilà, on commence à avoir une forme de recension du panorama de la SF France. française. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une vraie maturité du champ éditorial qui fait que il y a une conscience de ce dont la science-fiction est possible, des érudits comme Pierre Versin, on a mentionné Sadoul également, mais et du manière générale la grande anthologie de la science-fiction française, pas française, la grande anthologie de la science-fiction qui permet de repérer toutes sortes de thèmes, littérature conjecturale, qui donne lieu à toutes sortes d'éléments de repérage qui permet de savoir un petit peu, d'avoir du recul par rapport à la science-fiction. Mais il y a aussi, et c'est ça, c'est important, il y a aussi une forme de, comment dire, alors je dirais pas de fierté nationale, mais en tout cas d'identification claire du fait que des auteurs peuvent créer sans être spécialement des reflets de d'auteurs américains. Et paradoxalement, pour l'illustrer, je prendrai l'exemple de Michel Jury. Michel Jury qui, d'une certaine manière, dans un premier temps, avec le temps incertain, semble être une sorte de disciple de Philippe Dick. Hein. Philippe Dick qui, à ce moment-là, dont l'étoile est absolument resplendissante dans la science-fiction française, beaucoup plus qu'aux États-Unis. Mais Michel Jury, très rapidement, construit son propre univers, construit ses propres références et devient, fait partie des modèles d'une jeune génération d'auteurs de science-fiction et qui ne passe plus par la référence à Philippe Dick. Et donc, il y a véritablement cette communauté-là, cette possibilité de créer. Et évidemment, il y a des grands textes à côté. Enfin, je peux citer la trilogie de l'Europe après la pluie de Philippe Turval, évidemment. Republié aux éditions La Vol par ailleurs en un seul volume. Voilà. Et de ce point de vue-là, la collection Ailleurs et Demain, où sont parus d'ailleurs ces textes-là, ces auteurs et ces textes, la collection Ailleurs et Demain de Gérard Klein, est pendant les années 70 un lieu vraiment important de validation pour ces auteurs-là. Il y a vraiment, enfin, ça fait partie de cette structuration-là, et malheureusement, c'est ce qui manque un peu dans les années 80, après, dont on ne parlera pas aujourd'hui. Non. Mais ça fait partie de ce cercle vertueux de validation. Un mot de conclusion, Jérôme Vincent. On arrive effectivement à la fin de ces années 70. Encore une fois, le mouvement cyclique fait que à une période faste va succéder une nouvelle crise dans les années 80. Qu'est-ce qu'il faut retenir, selon vous, de cette littérature des années 70 de SF française? Elle est inventive, elle a sa voix qui se développe et sa voix en chacun des auteurs, parce qu'un Serge Brussolot est très différent d'un Jean-Pierre Andrevon dans les thématiques et dans le style, hein, éventuellement, et évidemment. Et surtout, ces années 70, elles vont être le creuset des années 80 et 90, avec tout un tas d'auteurs et d'autrices qui vont commencer à publier des nouvelles et qui publieront des romans et qui vont émerger véritablement plus tard. Le cas de Jean-Marc Ligny est parfait, hein, son premier livre Temblant, c'est 1979, et on va le retrouver comme un des grands acteurs des années 80-90. Et un jeune Roland Wagner aussi, qui n'est pas très loin, qui lui va écumer les conventions de science-fiction, permettra aussi va émerger juste après. Allez, on fait un dernier tour de table très très rapide et avec une question totalement impossible pour nos auditrices et nos auditeurs de cette période des années 50, 70, un ou deux titres qu'il faut absolument relire ou qu'il faut retrouver. Simon Bréant. Alors, je dirais Les Seigneurs de la Guerre de Gérard Klein. J'ai déjà cité tout à l'heure la bibliographie de Pierre Pelot, de manière générale, me semble devoir être relue. Voilà. Mais Turval. À part vos livres, évidemment. Le disque rayé d'André Rouellan, c'est un véritable chef-d'œuvre de la science-fiction. Voilà. Et Jérôme Vincent, un mot, un titre. Je dirais le Temps incertain de Michel Jury. Merci beaucoup à tous les trois. Philippe Curval, on peut vous lire évidemment aux éditions La Volte les livres passés et présents puisque vous continuez à publier. Le ressac de l'espace qui a été publié en 62 au Rayon Fantastique ressort donc la semaine prochaine aux éditions La Volte. Simon Bréant, la science-fiction en France, théorie et histoire d'une littérature, c'est Presse Sorbonne. Jérôme Vincent, aux éditions Actu SF, en un mot. Cemetery Boys à lire en young adulte, c'est absolument incroyable et ça arrive maintenant. On a du Nnedi Okorafor aussi, Nnedi au mois de juin. Très bien, et puis il paraît qu'il y a une monographie Hélène qui va arriver en novembre, on suivra ça de très près. Merci beaucoup à tous les trois, c'était Dalia aujourd'hui à la technique, et comme toujours la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et sur franceculture.fr, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.